rien, je leur ai pas souvent dit ce que je pensais, mes frères. Maintenant je vais le faire. Papa, maman, je voudrais vous dire merci. Apparemment les yeux peuvent voir même en état d'inertie. Je sais que c'est un blasphème, mais nique ça, merci. Implicitement, je vous aime, explicitement je vous le dis. À mes parents qui ont eu leur part de galère, au fait papa, je t'en veux pas pour ton départ. Chaque jour, je tente de garder l'équilibre. Je voudrais pouvoir vivre afin de voir mon équipe libre. Pour vous, je referai le monde avec une plume et une feuille blanche. Et comme une seconde, la vie peut mener entre quatre planches. Alors je profite de cet instant, je m'accroche aux branches de votre arbre. C'est ce qui me préserve, cette maladie qui rend les cœurs glacés comme le marbre dans mes rancœurs. Parfois j'en ai marre de voir toujours les mêmes erreurs, de faire toujours les mêmes cauchemars, les mêmes reproches. Rien dans les poches, c'est pas de ma faute, c'est pour ma part. Ce qui compte, c'est les proches, pour le reste, ben c'est jamais trop tard. C'est vrai que je suis pas comme tout le monde, je connais ma différence. Une tête ronde à l'intérieur, ce cerveau qui pense. Serve aux intérêts, comme ceux de la planète. Rester honnête, c'est s'altérer, vu que ce monde n'est pas net. Mais je persévère, je perds pas mes rêves. Comme un père sévère qui veut voir son fils devenir bon élève. Papa, maman, lisez sur mes lèvres. J'ai sûrement usé les choix, mais j'ai misé sur ses lèvres. J'ai que ma voix, mon cerveau et mes paroles. Mais ma parole qu'à cet instant, ces mots sincères volent et s'élèvent. J'ai volé ses vers à une autre partie de moi-même avant de les rendre quand même. Je tiens à vous dire, papa, maman, je vous aime. Des fois les mots sortent pas si faciles. C'est si fragile, les mots ne meurent pas, c'est un mythe. Certains mentent car pour eux tout s'efface vite. Tous ces vins, ces chansons minces devoir changer toutes ces phases vides. Chez eux, chez ce qui coince, ce qui coïncide avec leur sens du précis. Oppressé, l'impression de gêne, oxygène, cette impression cancérigène d'avoir besoin d'oxygène. Père artiste, donc c'était dans les gènes. Au père altruiste, c'est ce qu'a causé sa peine. Ma mère est triste car elle n'a pas osé ses rêves. Triste, je crois pas en toi, ma merci. Mais on se demande ici, à quand un nouveau jour qui se lève. Quant à mon père, je parle pas de mon géniteur, mais j'ai eu tort de juger toutes tes erreurs. T'es comme maman, t'as une place dans ma tête. Tu gardes une trace dans mes actes et une